Et voici un communiqué du ministère de l'écologie. Et oui, ça, je me suis aperçu que depuis que nous avons demandé à Intercav d'être notre sponsor, il n'y a plus de publicité sur Radio Plus. Je comprends pas. De quoi ? D'Intercav. Mais comment ça se fait ? Alors, moi, j'ai démarché et je bois du vin biologique maintenant. Ah ! Et oui, et oui. C'est moins mauvais pour la santé ? Ouais, c'est très bien pour la santé et on peut en boire deux bouteilles au lieu d'une.